Stephen King aime les légendes indiennes, Stephen King aime les hommes tombés au combat, Stephen King a écrit Cimetière, Kevin Colch et Denis Windmeyer l'ont adapté et Lindsay Beer en a réalisé le préquel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis comme toujours avec Chris, salut. Hello. Ça va? Eh ben écoute, à l'heure où les gens entendront ce podcast, je risquerai d'être papa incessamment sous peu. Donc ça va comme quelqu'un qui va être papa incessamment sous peu, donc avec du stress. Ouais. À moins qu'il y ait un retard de livraison. Hein. C'est vrai. Mais bon, elle a reçu sa date d'expulsion, donc vraiment faut sortir. Hein. Ouais, mais tu sais, avec les lois actuelles sur les locataires à cause de la gauche, oui, mais y a... non. Pour les faire partir. Pour ce genre de sujet, la trêve hivernale n'a pas lieu. C'est la faute du wokisme, ça. C'est ça. Bon, alors on a parlé d'enfants la dernière fois, hein. Je sais pas si ça t'a donné envie ou non, si ça a remonté ou fait baisser le stress. Mais cette fois-ci, on va parler d'animaux morts. Disons que je ne lui ferai pas bouffer du maïs trop tôt. Oui, on sait jamais comment ça peut tourner, effectivement. Voilà. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler de Cimetière aux origines du mal, de Lindsay Anderson Beer, c'est tout récent, c'est sorti en 2023. On va le spoiler, et je propose qu'on y aille tout de suite. Oui, allons-y. Ils vont nous envoyer où, à ton avis ? Où ils voudront. L'important, c'est que tu profites à fond. De te barrer loin de l'eau ! C'est pas le chien des Batterman ? C'est dans le cimetière pour animaux qu'on a son premier contact avec la mort. Cet endroit sacré. Cela fait des générations que tout ce qui est mort et enterré ici revient à la vie. Comme possédé. Tu les entends, toi aussi ? Leur voix. Je crois qu'il va pas bien. Il a besoin de temps pour se réadapter. Notre peuple a construit le cimetière pour animaux. Comme protection contre le mal. C'est pas Timmy. Quelque chose parle à travers lui. Le film est en fait adapté d'une courte section dans le livre Cimetière et qui est reprise dans le film, puisque le protagoniste c'est John Crandall, donc le voisin des héros de Cimetière. Là, il a à peu près la vingtaine. Et alors qu'il est sur le point de quitter la ville avec sa fiancée Norma, il y a des événements bizarres qui commencent à se passer, notamment le retour d'un de ses anciens amis qui s'appelle Timmy, pardon, qui revient de la guerre et qui a l'air un peu traumatisé et tout le monde a l'air énervé autour de lui et il va commencer à y avoir des événements étranges. Autour de Résurrection, pour ceux, c'est autour du cimetière, évidemment. Oui. Le film, donc comme je le disais, c'est ça étire pas mal quelque chose qui est assez court à l'origine, puisque le flashback, entre guillemets, concernant Judd, c'est vraiment que quelques pages dans le roman, même si c'est une scène qui est assez marquante. Oui. La production commence en février 2021, même si l'idée de faire le préquel avait été évoquée pas mal plus tôt suite au succès du film en 2019. On peut supposer que, vu que 2020 c'est l'année Covid, ça a décalé le lancement de la production. Oui, c'est fort possible. Et donc on retrouve grosso modo la même équipe à la production avec Lorenzo Di Bonaventura et Marc Varadian. Par contre, les deux réalisateurs du film de 2019 disaient dès cette époque-là qu'ils ne réaliseraient pas ce film-là, qu'ils ne travailleraient pas dessus. Mm. La réalisatrice qui est choisie, qui est également co-scénariste, c'est Lindsay Anderson-Beer, qui fait partie d'équipes d'écriture sans être créditée sur des trucs comme Transformers The Last Night, par exemple. Oui. Elle a fait au moins un premier scénario pour le live-action Bambi, même si elle n'est plus mentionnée maintenant comme scénariste. Et elle a travaillé sur des projets inaboutis comme le Star Trek de Quentin Tarantino ou l'adaptation de The Magic Order de Mark Millar sur Netflix. Bon, d'accord. Ça s'est sorti pour le coup, je crois. Enfin, je crois. Pareil sur des projets incroyables, dis donc. Ouais. En projet abouti, elle est scénariste de Sierra Burgess is a Loser et Chaos Walking de Doug Liman, et elle devrait être scénariste et réalisatrice du nouveau Sleepy Hollow, voilà, qui est prévu. L'autre co-scénariste, c'est Jeff Buhler, qui était scénariste déjà du film de 2019, donc on avait déjà parlé de lui à cette occasion. Mm. Mais comme ça remonte un peu, on peut mentionner qu'il est co-scénariste d'un film sorti entre-temps, Studio 666, enfin Studio 666, on reste sur les 666, mais là c'est un bon truc, parce que c'est le film d'horreur avec les Foo Fighters. Ah oui! Qui est plutôt vraiment sympa et qui a été terminé peu avant la mort du batteur du groupe, Taylor Hawkins. Oui, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu que du bien. Oui, ça vaut vraiment le détour. Dans le film, il est décidé d'intégrer des personnages de natifs américains afin de mieux traiter ce qui entoure le cimetière Micmac et donc les légendes natives américaines autour du cimetière. Oui. Ça sera à l'origine de son pouvoir. C'est pour essayer de contourner ou au moins d'enrichir le vieux trope du cimetière indien, effectivement assez fréquent dans la fiction américaine d'une certaine époque. Oui, clairement. Au casting, Judd Crandall, donc le protagoniste, est joué par Jackson White, un des rôles principaux de la série Tell Me Lies, et il est aussi dans Mrs. Fletcher, mais il est encore en relatif début de carrière. Il paraît qu'il apparaît dans Ambulance de Michael Bay, mais je vois pas où. Je ne l'ai pas vu. Donc, Et lui, on en a dit tellement du bien que j'ai pas envie de le voir. Ouais, non, c'est pas ouf. Sa fiancée, Norma, est jouée par Nathalie Allen. Linda, récurrente dans les séries Les Goldberg, dans Gotham, The Gifted ou Tell Me a Story. Mm-hmm. Donc quelques séries un peu connues. Oui. Manny, donc l'ami de Judd, qui est un des personnages de Native American, est joué par Forrest Goodluck, qui a joué le fils du personnage de DiCaprio dans The Revenant, parce que c'est un fils adoptif dans le film. D'accord. Et depuis, il est dans pas mal de trucs, dans Cherry des frères Russo, dans Sabotage, dans des séries comme The Republic of Sarah ou Lomen. Donna, donc sa sœur, est jouée par Isabelle Starr LaBlanc, qui est donc aussi une actrice native américaine, qui a commencé enfant sur scène. Sa carrière à l'écran est pas mal plus récente. Elle est dans la série Long Slow XL et True Detective, en plus de Cimetière, la dernière saison de True Detective, parce que c'est une série d'anthologie où ça change à chaque saison. Oui, effectivement. Le père de Judd, Dan Crandall, est joué par Henry Thomas encore. C'est décidément un acteur qu'on n'arrête pas de voir partout. On l'a déjà cité dans un épisode de Rêve et Cauchemar la dernière fois et dans toutes les adaptations de Parmi Garris. Bill Batterman, donc le père de Timmy, est joué par David Duchovny, pardon, de X-Files et Californication, oui. Ou dans Evolution de Ivan Reitman. Oui. J'ai vu qu'il a joué dans un Soderbergh Full Frontal, mais je le connais pas du tout celui-là. Non, effectivement, moi non plus. Et on peut citer en actrice un peu connue aussi, Pam Grier, qui joue Marjorie Washburn, qui, assez tôt dans sa carrière, avait tourné dans des films de femmes en prison de Jack Hill, comme The Big Doll House et The Big Bird Cage, donc on est au début des années 70, là, et elle se fait assez vite une place dans la blaxploitation, par exemple dans Coffee ou Foxy Brown, toujours du même réal, mais aussi dans Scream Blackula, Scream, ou dans Hitman, le créole de Harlem, dans Buckton, etc., etc. Même après l'essoufflement du genre de la blaxploitation, elle continue une carrière, mais plutôt dans des rôles secondaires. Même si elle a quelques rôles principaux par-ci par-là, bon, son plus prestigieux, en réalité, ça reste Jackie Brown. dans oui. Jackie Brown. Oui, oui. Et je pense ce pourquoi elle est la plus connue de la majeure partie du public aujourd'hui, oui. Même si Jackie Brown, c'est pas le Tarantino le plus connu. Même si effectivement, comme tu l'as dit, bon, elle a fait pas mal de Blaxploitation avec vraiment de très bons titres. Hein. Coffee, c'est très très bien, par exemple. Oui, oui, oh, bah, c'est, elle a une filmographie plutôt solide, même dans la série B. Hein. Oui, mais voilà, mais c'est surtout que pour beaucoup, série B et cinéma d'exploitation, bon, bah, c'est égal à de la qualité un peu mid, alors que non, il y a vraiment d'excellents films aussi dans le tas. Oui, et puis elle fait partie de ces actrices où, en tout cas, à chaque fois que je l'ai vue, elle fait un boulot plus que correct, même quand elle est dans les trucs pas très bien. Ah oui, bah elle est très professionnelle. Ouais. Alors, c'est un peu le cas également de Samuel L. Jackson, hein, par exemple. Oui, effectivement, oui, même si lui a eu une carrière plus mainstream au oui, final. Mais, oui, mais même quand il joue dans des daubes, et hein, on sait qu'il a joué dans énormément de grosses daubes. Bon, lui-même l'assume pleinement. Et il l'assume pleinement, il assure quand même toujours le show, quoi. Ouais. En série, elle est dans The L World et elle joue Amanda Waller dans Smallville. J'ai pas du tout assez vu Smallville pour voir Amanda Waller. Bah, je me souviens même plus, et pourtant Smallville j'en ai vu, hein, mais je me souviens plus de... d'elle. Visiblement, Waller apparaît plutôt dans les dernières saisons de Smallville. Ah, c'est peut-être ça alors. Tu avais peut-être pas continué jusque-là. Non, non, il me semble que j'ai pas tout vu de Smallville. Au bout d'un moment, quand même, la qualité. Bon, déjà, ça a jamais été fou, mais au bout d'un moment, la qualité, vraiment, ça chute, quoi. Ou alors un personnage qui mérite d'être exploité parce qu'il est plutôt intéressant et je trouve pas qu'il ait été très bien utilisé jusqu'à ouais. présent. Oui, oui, au cinéma. Ça, par contre, on est d'accord, c'est vraiment un très bon personnage. Et en curiosité, on peut mentionner qu'elle est dans Bones, pas la série, mais un film d'horreur avec Snoop Dogg dans le rôle principal. Oh, qui était voilà. pas très très bien. Je l'ai pas vu. Bah, je te le dis, c'était mais pas... Mais ça me rend curieux. C'est curieux et ça peut valoir le coup d'être vu, mais c'est pas très très bien de mémoire. Ouais. La photo est de Benjamin Kirk Nielsen, directeur de la photo danois qui semblait arriver sur des prods américaines via la réalisatrice Chloé Okuno pour qui il a travaillé sur un court-métrage appelé Slut et sur le film Le Voyeur. Sinon, il a surtout travaillé sur des séries et surtout des séries danoises. Donc, je connais pas et je pense que toi non plus. J'en ai relevé deux qui ont un titre international, 29 et Yes, No, Maybe. Ça m'évite de massacrer des titres en danois. Et bah, effectivement, je ne connais ni l'une ni l'autre. La musique est de Brendan Roberts, qui fait partie de l'équipe de Marco Beltrami. Donc, la plupart du temps, il est compositeur additionnel, arrangeur, occasionnellement co-compositeur pour Beltrami. Par exemple, c'est lui le co-compositeur de la BO de Fear Street Partie 2 ou de The One Man in Black 2. Dans, la BO de Fear Street Partie 2 est vraiment cool. Dans ses BO solo, on peut citer Black Box, Thanksgiving de Eli Roth. Il y a très bonne réputation. Land of Bad. Et c'est rare de dire ça d'un film de Liros, quand même. Ouais, même s'il a très bonne réputation. Non, mais j'ai lu des critiques de gens qui pourtant conchient Liros. Donc du coup, ça me rend curieux. Oui, oui, effectivement. Ça peut-être rendre un peu curieux un jour où j'aurai vraiment rien d'autre à faire. Et voilà. Le film est d'abord diffusé au Fantastic Fest en septembre 2023, puis il arrive directement sur Paramount+ le 6 octobre. Les critiques sont mauvaises sans être absolument assassines. Ça reproche au film une esthétique plate, des personnages sous-développés, un rythme pas ouf qui empêche d'installer une véritable ambiance. Mais il se fait pas massacrer non plus. Actuellement, il a 1,7 étoiles sur Allociné, ce qui le place 73e à égalité avec Carrie 2 et Les Démons du Maïs Genesis, et 24% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 61e à égalité avec Carrie 2, Quicksilver Highway et Les Enfants de Salem. La réalisatrice Lindsay Beer et le producteur Di Bonaventura ont répété plusieurs fois lors de la promo que des projets d'autres films cimetières étaient en discussion pour discuter plus avant l'origine du mal qui pèse sur Ludlow. Oui, bah ça ira. Mais pour l'instant, il n'y a rien de plus concret que ces déclarations promotionnelles. Après, c'est encore assez récent, il date d'il y a un an, quoi, le film. Donc sait-on jamais, ça pourrait encore se concrétiser. Au bout d'un moment, arrêtons-nous, quoi. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fous là ? Monsieur Batterman, où est Timmy ? Je suis venu pour parler à Timmy. On est venu ici tout à l'heure et Hendrix a mordu Norma. C'est un brave toutou. Il attaquera jamais sans raison. Je voudrais voir Timmy, c'est possible, s'il vous plaît. Mon fils reçoit pas de visiteurs, pour l'instant. Il a besoin de temps pour se réadapter. Je m'inquiète pour lui, monsieur. D'accord. Je m'inquiète pour lui. Et je suis pas le seul, Manny et Donna aussi. On sent bien que quelque chose a changé. Qu'il est différent. Ça fait des années que t'en as rien à foutre de mon fils. Alors pourquoi tu profiterais pas de la paix que ton père a achetée pour toi? Ce cher Daniel n'apprécierait sûrement pas que son fils, si supérieur, se compromette avec un pauvre bougre qui revient de la guerre. Non, mon père, qu'est-ce qu'il a? D'accord, c'est bon, je m'en vais. Et je te laisse donner ton avis. Écoute, je rejoins la majorité des critiques, du coup. Alors, c'est pas catastrophique, c'est pas totalement nul à chier, mais que c'est commun, quoi. Oh là là, c'est du vu et revu, dans tous les sens du terme, que ce soit en acting, en scène de frousse. Visuellement, c'est ultra commun, t'as l'impression d'être devant un film VOD lambda, quoi. C'est... Ça serait pas du Paramount Plus, je t'aurais dit, bah, c'est un film Netflix en fait, tellement ça a la patte visuelle, acting et tout d'un film Netflix. C'est ultra classique. Mais, effectivement, c'est pas totalement nul à chier non plus, on peut pas le dire. Ça serait de la mauvaise foi que de dire que c'est nul, on a vu bien pire, déjà dans l'ensemble de notre vie et encore plus pour cette émission. Je suis assez d'accord, c'est très classique, ça manque d'excitation, de facteur excitation, c'est-à-dire au final, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que le film s'arrête à peu près là où il devrait vraiment se lancer, on a l'impression que rien n'est vraiment réalisé à terme, que tout reste très modéré dans les enjeux, alors qu'en soi, les enjeux sont plus... Il y a plus de morts, je crois, que dans le cimetière original. Mmh. Ou du moins, il n'y en a pas moins. Mais c'est juste que rien ne prend vraiment, ça se regarde distraitement, oui, sans déplaisir extrême. Mais c'est dur de rester pleinement concentré devant. Les personnages sont pas passionnants, parce qu'encore une fois, ils sont classiques, ils sont assez mal caractérisés. À plein de moments, il y a des trucs... un peu bizarre. Oui. Donc voilà, la sauce prend pas, mais en effet, on l'a vu pire. Oui, clairement. Ça, l'un des mêmes soucis que le film dont on a traité il y a 15 jours, donc Les Démons du Maïs 6. Enfin non, là c'est même encore pire, parce que il se passe énormément de trucs dedans, sauf que quand tu te replonges ensuite dans les événements d'après, puisque là c'est une préquelle au film Cimetière, au remake du film Cimetière, bah dans le film Cimetière, t'as l'impression que bah, tout le monde s'en fout en fait de ce qui a pu se passer, alors qu'il s'est passé des trucs incroyables, finalement. Oui. D'ailleurs, il y a plein de trucs qui sont qui n'étaient pas dans Cimetière, c'est normal, et qui du coup n'y sont pas évoqués, et c'est pas... ça, c'est plus normal. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que qu'une petite dame se mette à massacrer, à faire un massacre dans un hôpital, logiquement, ça aurait quand même dû être évoqué un minimum, quoi. Oui. D'autant qu'il est médecin, techniquement, Louis, dans Cimetière. Oui, exact. Il y a aussi le côté Judd Crandall, qui est le descendant de gardien du cimetière et de la ville avec d'autres. Oui. Ça, pareil, c'est jamais évoqué dans le cimetière original, parce qu'ils ont sorti ça du chapeau pour ce préquel. Mais du coup, c'est pas cohérent quand tu compares les deux. Bah oui, parce que du coup, ses agissements dans le film original n'ont plus aucun sens. Oui, voilà, c'est ça. Il est censé bien connaître la menace, il est censé être resté dans la ville justement pour protéger contre cette menace. On comprend pas bien pourquoi, d'ailleurs. Mais... Oui. Ça fait partie de ces films où, encore une fois, bah, pourquoi tu restes là? Barre-toi. Je sais pas, il y a moyen de faire plein de trucs pour empêcher les gens d'enterrer leurs animaux ici, puisque c'est ça le seul péril du cimetière. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut pas y enterrer des animaux ni des gens, parce que sinon ils reviennent. Bah, je sais pas, tu fous du macadam, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu bloques vraiment l'accès. Ouais. Il y a plein de moyens de le bloquer. Où on se pose pas la question dans le film original, parce qu'on se dit c'est le côté traditionnel, les enfants vont mettre leurs animaux là-bas et des fois ils reviennent. Il y a un côté un peu... On pourrait se poser la question, mais on se la pose pas parce que ça marche dans le lore. Là, à partir du moment où c'est un truc qui existe depuis des siècles et où visiblement il y a des gardiens du machin, ça commence à devenir très illogique. Bah oui, voilà, c'est ça. Ce qui m'énerve aussi, c'est les rappels perpétuels à cimetière. Notamment avec un... avec un gros camion. Dès le début, oui. Qui, dès le début, à la fin et au milieu du film, je crois, il y a aussi un gros camion avant qu'il vienne faire coucou. Ouais. Qui surgit avec un énorme bruit de moteur et un gros klaxon, et tu fais, mais c'est bon, je sais ce que je regarde, merci, arrête-toi. Calme-toi. Ouais, et pour ceux qui n'auraient pas vu le cimetière, du coup, c'est des plans incompréhensibles. Et d'autant plus incompréhensibles que les mystères autour du cimetière n'apparaissent que, allez, vraiment au bout de 40-50 minutes de film, quoi. C'est-à-dire, pendant... tout le début du film, toi, quand tu as vu les précédents, tu sais que Timmy est mort et qu'en fait, son père, là, donc Duchovny, l'a enterré dans le cimetière avant qu'il revienne et qu'il devienne fou. Mais, pour quelqu'un qui n'a jamais vu les films précédents, alors ce qui est con, parce que c'est genre cimetière origin, normalement, ça sous-entend que le spectateur doit savoir ce qu'il regarde. Mais bon, pour moi, normalement, un film doit se suffire à lui-même, quoi qu'il en soit. Ouais, t'as vaguement vu Monsieur Crandall dans le cimetière d'animaux quand même au tout début, mais effectivement, ça suffit pas à faire... Bah, ça suffit pas à faire le lien, enfin, ouais. À comprendre ce qui se passe, voilà. Et pour moi, un film, normalement, doit se suffire à lui-même. T'as pas besoin d'avoir vu le préquel, l'original, une série télé, un jeu vidéo, un BD, une BD, un manga, la petite sœur de ta voisine, non. Le personnage de Judd est un peu bizarre dans le rapport avec la paix, le Vietnam, 1969. Ça essaie de traiter de ce thème-là un peu, mais ça le fait assez mal. Et c'est dommage. Je comprends pas quelle est la position de Judd, en fait. Autant Norma, elle veut militer pour la paix, elle, ça a l'air assez net. Oui. Autant lui, on sait pas trop... Je comprends pas pourquoi il en veut à son père, par exemple, d'avoir menti pour qu'il parte pas à la guerre. C'est ça, des fois il semble déçu de pas avoir été, appelé pour la guerre, donc la guerre du Vietnam, au moment où se déroule le film. Ouais. Il semble avoir été déçu, il y a des moments où finalement il semble être content, tu sais pas trop, c'est très mal foutu, quoi. Je me dis que l'idée c'est peut-être qu'il ait une sorte de... qu'il s'accuse... de pas avoir été au combat et d'être vivant alors que certains de ses amis sont morts, mais oui. C'est plutôt mal foutu. C'est là, mal ça foutu. Donne un peu l'impression juste qu'il est déçu de pas être allé tuer des gens. Alors que, à contrario, l'idée de faire de Timmy un personnage à mi-chemin avec des... son personnage représente vraiment le soldat américain qui revient de guerre et qui est lâché. C'est le prototype, c'est l'archétype du personnage de John Rambo. Et ça aurait vraiment pu donner de très bonnes scènes si c'était bien mieux travaillé que ça. Parce que le côté fantastique du film et donc du personnage est bien plus présent que ce côté PTSD que le personnage aurait dû avoir, quoi. Oui. Et ça, c'est vraiment un raté complet du film, parce que quand tu le vois, toi, tu fais le lien avec déjà tout ce que t'as pu voir au cinéma sur le personnage du soldat qui revient de la guerre. Hein. John Rambo n'est pas le seul dans toute l'histoire du cinéma, même si c'est lui qui a vraiment ouvert la voie et qui est le plus connu du grand public. Et à chaque moment, t'as beaucoup de séquences comme ça, notamment le moment où son chien attaque l'une des protagonistes. Donna, ouais. Voilà, Donna. Norma, pardon. Il y a Norma. Il y a ce moment-là où il l'attaque et lui, c'est juste, il a les yeux perdus et tu comprends. Qu'en fait, il est en phase PTSD. Mais c'est tellement mal exploité dans le film, c'est vraiment dommage, quoi. Là, il y avait une idée, il y avait vraiment quelque chose. D'autant qu'à côté, ça utilise beaucoup trop les trucs bizarres qu'il dit, étant donné qu'il est maintenant ressuscité, donc quand il connaît des vérités qu'il ne devrait pas connaître. Ou des fois, quand il ment aux gens, parce que j'ai l'impression qu'il dit pas toujours des vérités blessantes, des fois, je oui. sais pas ce qu'il raconte. Mmh. C'est pas très net non plus, ses pouvoirs. Mais le souci, c'est que c'est un peu parasitaire avec cette volonté, effectivement, d'avoir une métaphore sur les PTSD. Parce qu'il y a des moments où les personnages disent « Oui, c'est bizarre, ils vagabondent, ils répètent des noms de personnes comme ça. » Toi, en tant que spectateur, en fait, tu comprends que les noms de personnes qu'ils répètent, c'est des noms de soldats qu'il a vu mourir sous ses yeux pendant la guerre. Mmh. Mais sauf que le film n'est jamais explicite, ne te le montre pas. Ah, ça pour te balancer des flashbacks de Donna qui se fait bouffer le bras, un camion qui surgit, ça ils sont balèzes, mais bon, ce qu'il fallait à ce moment-là, c'était vraiment en fait mettre des flashbacks du Vietnam pour créer un lien avec ça. Bon, ou pas des flashbacks du Vietnam, mais nous le faire comprendre. Non, mais voilà. Nous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre, et effectivement supprimer tous ces dialogues un peu de méchants, très classiques, démoniaques, qui sont vraiment convenus, je trouve. Oui, parce que là, du coup, il passe juste pour un mec. Soit pour un turbo barjo, soit pour, quand t'as vu le film, bah, juste un zombie lambda qui vient de sortir possédé, du cimetière. Oui. Quoi. Les flashbacks, c'est vrai qu'ils sont pénibles. Il y a aussi tous ceux des images d'enfance des personnages, quand ils se rappellent quand ils étaient amis et quand ils étaient heureux. Oui, c'est bon, on sait qu'ils ont été amis, c'est pas la peine de nous le rebalancer. Oui, quand ils sont dans leur cabane, là. Ouais, c'est ça. Ou quand Timmy, justement, joue gamin avec son père a des images de ça aussi. Oui. Globalement, les personnages de natifs américains, ben, c'est pas non plus tellement traité. Ça disait qu'ils avaient été mis là pour traiter de leur rapport au cimetière, mais je trouve pas que ce soit plus creusé que ça. Non, effectivement. Parce que finalement, c'est pas eux qui ont la connaissance du cimetière, c'est plutôt les gardiens. Il n'y a aucun d'entre eux qui n'en fait partie. Les gardiens sont tous des Américains blancs. Donc en fait, Manny et Donna sont autant pris dans les événements que les autres et n'apportent rien de nouveau. Alors pourquoi pas, hein, en soi, ils ont le droit d'être là juste parce qu'ils sont là. Mais ça fait un peu contraste avec ce qui est exprimé dans les interviews de volonté de traiter d'un autre rapport culturel au cimetière. Bah oui, ça aurait été plus logique de les mettre eux en tant que gardiens, finalement. Oui, ça aurait été plus dans la continuité, même de la première scène où c'est effectivement un natif américain dans le flashback qu'on a il y a longtemps, quand les premiers colons sont arrivés à Ludlow. C'est un natif américain qui veille sur le cimetière et qui s'en balègue de ce qui se passe autour de lui. Oui, clairement. Et en fait, là, du coup, en parlant de ça, pour moi, hein, on met le doigt en fait sur l'un des gros soucis du film, c'est que ça aurait été bien plus intéressant de nous montrer ça, finalement. La genèse vraiment au vraiment, 18e oui. siècle. C'est ça, la véritable origine du cimetière, finalement, la jeunesse du voisin de la famille du roman original. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Oui, c'est vrai que quitte à traiter d'un truc, je sais pas si ça aurait été passionnant, mais ça l'aurait peut-être été plus. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, pour le coup, c'est le titre français hein, qui est mensonger, parce que bah, ça n'a rien d'origine, finalement. L'origine du mal, bah non. Oui, tandis que le titre du film c'est Bloodlines. C'est Bloodlines qui insiste sur l'idée de généalogie. Voilà, donc... voilà. Mais bon, finalement, on s'en fout un peu de sa jeunesse, le fait qu'il n'ait pas été au Vietnam, de ses potes qui, du coup... de l'un de ses potes qui, du coup, lui en veut. C'est quand même rare qu'un préquel soit passionnant. Hein. Je trouve, en tout cas, que... Furiosa était quand même plus une exception que la règle. Oui, clairement. Voilà. Ah, et quand tu veux faire un personnage LGBT, bah fais-le vraiment. Arrête de faire des sous-entendus avec des vannes de merde comme quoi il est homosexuel. Le personnage, oui. Le personnage de Manny. C'est pas du tout assumé, ouais. Qui est traité par-dessus la jambe pendant tout le film. Pendant tout le film, il te fait des blagues à la con dès qu'il voit le personnage... Donc, quand il voit son pote d'enfance torse nu avec un fusil à pompe, il sous-entend « qu'est-ce que c'est que cette tenue sexy ?» Et voilà, et puis en plus, c'est dit sur le ton de la blague, donc c'est tellement nul. Ouais, il y a un gros côté pinkwashing. C'est ça. C'est ça. Il y a des moments où, encore une fois, les réactions des personnages sont bizarres. Je songe à la scène où, justement, il y a Manny et Donna qui font une fête chez eux et qu'il y a Timmy qui débarque. Oui. Et qui commence à danser, mais de manière ultra glauque, avec Donna. Je suis désolé, là, quand même, il y aurait quelqu'un qui serait intervenu bien plus tôt, je pense, parce que tout le monde les regarde. C'est-à-dire, c'est pas comme si ça essayait de traiter du thème « les mecs peuvent se comporter de manière glauque avec les filles sans que personne réagisse ». Là, tout le monde le fixe, voit. Mais juste ne fait rien. Alors que, clairement, elle a pas envie de danser avec lui, elle a pas envie qu'il la touche. Je sais pas, c'est genre, en plus c'est un quasi-inconnu qui débarque, ou en tout cas un mec qui voit plus depuis un moment, alors que tous les gens autour ont l'air d'être de leur famille. C'est vraiment chelou que personne réagisse avant 10 minutes, quoi. De leur famille, ou au moins de leur communauté. Ça m'a l'air d'être un rassemblement... Oui, c'est ça. Oui, c'est pas très net, est-ce qu'ils sont tous vraiment de la même famille, mais c'est... Effectivement, c'est une fête entre Amérindiens. Voilà, c'est ça. Rien que le fait qu'il y ait un mec blanc qui débarque et qui tape l'incruste, comme ça, ça devrait faire bizarre, j'imagine. Oui, voilà. Bon, il manquerait plus que le mec débarque en mode « Oh, les woke, les communautés !» Ils nous font chier avec leur fête en non-mixité. On rigole, mais... Hein. Il faut avoir des souvenirs un peu honteux de ce qui se passait pendant les diffusions communautaires au cinéma de Black Panther, avec des gens qui vraiment tapaient des scandales en mode « Oh, c'est honteux !» Il n'y a pas longtemps, sur une fête juste pour femmes, il y a eu des mecs qui sont venus balancer des trucs incendiaires. Ah bon ? Je n'ai pas entendu parce parler. Ils ne pouvaient pas rentrer, ouais, ici, il y a eu ça. Et là, il n'y a pas eu de blessés graves, heureusement. Mais rappelons-le, l'extrême droite tue. Voilà, il faut le rappeler. Voilà. Ouais, et aux États-Unis, elle risque de bien tuer là pendant 4 ans. Voilà. Ah, si vous savez pas, vous avez atterri en termes de podcast, là maintenant vous savez, hein, vous pouvez partir. Voilà. Bon, normalement nos auditeurs sont au courant, je pense, pour la plupart. Oui, mais si c'est des nouveaux. Bah, si c'est des nouveaux, voilà, la porte de sortie elle est là. Hein. Voilà, je préfère perdre un auditeur qu'en avoir un de mauvaise qualité. Pareil. Les fondateurs de la ville. Ludlow, Washburn, Anderson, Benson, Bouchard et... Crandall. C'est nos ancêtres. Il y a toujours eu des forces positives et négatives à Ludlow. Nous sommes tous connectés. Nous formons une spirale. Une chaîne qui nous relie au Créateur. À notre bout de la chaîne, on tire de toutes nos forces. On fait appel à Dieu et à tout ce qu'il a créé de meilleur. Qu'est-ce que c'est ? Il agit comme ça. Il envahit les esprits pour y semer le chaos. C'est pour ça qu'il préfère les morts. Ils opposent moins de résistance. C'est le mal. Le mal à l'état pur, Judd. Ton arrière-grand-père a construit cet enchevêtrement afin de barrer l'accès à la forêt. Nous nous battons contre cette force depuis des générations. Marjorie, le shérif, Benson et moi, nos familles sont liées par un pacte depuis la création de la ville. Cette chose agit comme une maladie. Notre mission est de l'empêcher de se propager. Là, on commence à apprendre un peu plus sur justement le fait qu'il y en a plusieurs qui forment un groupe de protection du cimetière, qui sont un peu les descendants des premières personnes installées, en somme. Donc ça inclut le père de Judd, ça inclut Marjorie, le shérif... Et voilà, c'est ce groupe-là qui est censé lutter contre les manifestations du cimetière. Oui. Donc là, ils sont au courant que quelqu'un a déconné avec et ils comprennent très vite que c'est Crandall qui a ressuscité son fils. Batman, pardon, qui a ressuscité son fils. Donc ils veulent y aller. Et donc là, on découvre qu'ils sont nuls à chier en tant que protecteurs. Oui, c'est ça. Pour le dire brièvement, hein, c'est totalement incroyable. Ils sont incroyable, tout pourris. Tu dis, bah merde, mais quand tu vois la gueule du bordel, tu dis, bah pourquoi ce n'est pas arrivé avant ? Ouais, parce qu'ils vont tous se faire tuer assez bêtement. Oui. Et voilà, en fait. Le souci, c'est qu'on est censé approcher du climax du film et on a toujours l'impression que ils sont pas ouf. Hein. C'est surtout pour ça que ça marche pas. Déjà que finalement il fasse venir Manny et Judd alors que bah ils savent qu'il y a un danger, normalement non, ils disent bah non, vous venez pas, si on fait venir des gens, c'est des mecs armés, pas des ados quoi. C'est ça, vous êtes encore des enfants, restez chez vous. Soit dit en passant, la chronologie est très très bizarre, parce que je me souviens. Mais entre le moment où Timmy tue Donna dans le champ de tournesol. Oui. Donc, l'amérindienne, justement. Et le moment où il s'inquiète de la disparition de Donna, j'ai l'impression qu'il y a une journée entière qui est passée. Genre son frère, il s'est pas inquiété de la disparition de sa sœur avant, non, alors qu'ils sont méga proches. Je pense vraiment qu'il y a un problème de montage et ou de scènes coupées dans le film. C'est possible. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu te dis, c'est bizarre, c'est pourquoi il réagit comme ça alors que soit il était là, soit il ne le sait pas. Il y a des moments très étranges, typiquement après que Timmy rôde autour de la baraque du protagoniste. Et tu sais où il laisse une photo sur la route. Donc l'autre sort de chez lui avec le fusil à pompe et tout. Il retourne dans sa chambre et là t'as Manny qui surgit dans la chambre, mais il surgit en mode il est blessé ou il s'est passé quelque chose, alors que juste avant il discutait seulement avec Donna. Il discutait de l'emprise du cimetière et tout. Et tu te dis c'est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il est comme ça. Et je pense, et à plusieurs moments je me suis fait cette réflexion là dans le film, et je pense vraiment il y a un gros problème en termes de montage ou de scènes coupées. Typiquement, Donna, on la voit mourir à aucun moment, en tout cas je m'en souviens pas, on ne la voit être enterrée dans le cimetière, ni même sortir de sa tombe, alors qu'elle ressurgit à l'hôpital. Ça, j'imagine qu'on est censé en déduire que c'est Timmy, vu que c'est lui qui la tue, que c'est lui qui l'amène au cimetière, et qui, du coup... Ah oui, clairement, mais ça fait très bizarre de la voir surgir comme ça à l'hôpital. Tu sais, mais tu viens de mourir, meuf. C'est ça, il y a un truc dans la chronologie qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Alors, d'autant plus que le film se contredit dans ses règles, puisque quand ils lisent les notes des premiers colons sur le cimetière, on nous dit, les gens qui sortent de leur tombe, ils ont vrillé, mais au début, ils sont plutôt posés, un peu chelous, et leur soif de meurtre grandit au fur et à mesure, mais elle n'est pas immédiate. Alors que Donna, à peine sortie de sa tombe, elle commet un massacre. Tu dis Oui. Et c'est vraiment juste après. On a cette explication, et juste après, Donna commet un massacre. Donc c'est juste après que le film se contredit lui-même. C'est très particulier. Il y a vraiment, je pense, un énorme problème en termes de montage et de scènes coupées. D'ailleurs, je trouve ça aussi dommage. Alors, c'est facile de l'oublier quand on regarde ou qu'on lit le cimetière normal. Mais dans le roman de base, on ne sait pas exactement ce qui leur arrive, en fait, pour qu'ils reviennent comme ça. On ne sait pas si c'est qu'ils sont possédés, si c'est que la mort, ce qu'ils ont vu dans la mort, les a rendus complètement fous et les a rendus ultra dangereux. Il y a quelque chose d'un peu flou dans ce qui les fait devenir mauvais systématiquement après être passé par le cimetière, qui rend ça vraiment inquiétant. Tandis que là, on sait que c'est une possession, et du coup, je trouve ça beaucoup plus plat et beaucoup plus... Lambda. Lambda est moins marquant, en fait. C'est ça. Notons également que Donna, quand elle commet son massacre à l'hôpital, elle semble se téléporter. Très bizarre. Ouais. Ah, ça, c'est le montage Jean-Marie Poiret. Non mais voilà, c'est vraiment étrange. Et encore une fois, oui, effectivement, pour un film qui se passe avant, je trouve que ça manque un peu d'explication sur pas mal de trucs. C'est pour ça que, finalement, nous montrer les véritables origines, ça aurait été bien plus intéressant. Inutile, parce que dans le fond, on s'en bat les couilles. Quand tu lis le roman, à aucun moment, t'as envie de savoir pourquoi il se passe tout ça. Parce que t'es tellement pris dans les événements, sur le moment et sur le mystère, que t'en demandes pas plus, finalement, ça se suffit à lui-même. Oui, et puis même, ça apporte quelque chose, je trouve, de pas savoir l'horreur, la dimension horreur cosmique qui nous dépasse, je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que, typiquement, toi et moi, Welcome to Derry, on en a rien à carrer. Oui, voilà, c'est ça. Surtout que Welcome to Derry, ça va être la même merde, ça se passe que quelques années avant les événements de ça, ça se passe même pas à l'origine du bordel. En même temps, l'origine du bordel, c'est censé être avant l'apparition de l'homme. Oui, mais justement, tu peux faire des trucs. Tu peux faire des trucs intéressants. Tu peux arriver. C'est parce que t'aimes bien les trucs de dinosaures, toi. Même sans aller jusqu'aux dinosaures, les hommes des cavernes, ils ont existé. Oui. Ah, voilà. C'était mon point. Donc, le final commence où ils se retrouvent tous chez les Batterman à essayer donc, de trouver... ils pensent qu'ils recherchent juste Timmy, mais en réalité, il y a aussi Donna donc, qui tue des gens parce qu'elle est transformée, mais ça, personne ne le sait à ce stade. Norma a juste été enlevée, je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pas non plus. Parce que Donna, elle a été tuée tout de suite pour en faire une nouvelle soldate du cimetière. Oui. Pourquoi Norma, c'est pas pareil hein. Je ne sais pas. Parce qu'il faut. Il y avait encore de la bande à utiliser pour le film. Même si on tombe plus non, et puis je sais, parce qu'il faut qu'elle soit vivante, parce qu'elle est vivante dans le film Cimetière. Oui, mais bon, il n'y avait qu'à pas prendre ce perso-là dans ce cas-là. Oui, voilà. Donc il y a plusieurs morts, le père de Judd notamment, le personnage de Pam Grier, voilà, c'est bon, c'est... il meurt. Comment tu décris ça ? Oui, non mais on s'en fout quoi. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Donna est tuée aussi, pour le coup. Oui. Elle est tuée justement par le père de Judd. Une balle dans la tête. Là, on apprend que la maison est en feu et que pour se mettre en sécurité, il faut se mettre au sous-sol. Alors, oui. Faites pas ça. Hein, non, c'est vraiment jamais. Une idée à la con. Surtout quand vous êtes au rez-de-chaussée ou au pire, au premier étage. Voilà, c'est... Vous passez par la fenêtre. En plus, c'est de l'herbe en dessous. Au pire, vous pétez une jambe. Et vraiment, je me suis dit, à cette séquence-là, quand Duchovny arrive et dit « Il y a une cave, on y sera à l'abri », je me suis dit « Pardon ?» Ou alors ils ont des caves vraiment très très humides. Mais... Tu te dis, mais c'est un incendie, ce n'est pas une tempête. Oui, et ils sont dans une pièce qui a des fenêtres, donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour pas sortir. C'est vraiment, tu te dis, mais c'est débile quoi, comment ça? Ouais. Et là, c'est pas un problème de montage, c'est ils ont dû se rendre compte que leur finale il se passait dans des caves et qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen de connecter. Et ça a fait ça. Ouais. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est écrit avec le cul, quand même. Mais donc, il se retrouve dans un tunnel que Timmy a creusé en quelques jours. Alors, c'est peut-être une formation qu'on donnait aux soldats au Vietnam, mais il est quand même vachement bon mineur, Timmy. Bah, je pense que, pour le coup, au Vietnam, il y avait souvent des tunnels. Parce que c'est comme ça que les Vietnamiens attaquaient, beaucoup. Oui, mais justement, c'est plutôt les Vietnamiens qui creusaient des tunnels, dans mon souvenir, dans la guerre du Vietnam. Bah oui, mais du coup, peut-être que les soldats américains le faisaient aussi, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il a eu une sorte de formation... Pour le coup, n'étant pas expert en guerre du Vietnam, je t'avouerai que... Faisons comme si. Ouais, il y a peut-être des sortes d'Erasmus qui se mettaient en place où les soldats américains pouvaient aller apprendre à creuser les tunnels chez les soldats vietnamiens, je sais pas. Admettons, mais même en étant très bon en creusage de tunnels, il a l'air de faire un bon kilomètre, son tunnel. Il a eu que quelques jours. Oui, par contre, il est très doué. Ou alors la terre est vachement meuble, c'est possible aussi, mais... Bon, après, tu me diras, c'est un mort-vivant, il a le temps. Oui, il peut peut-être y passer sa journée, mais bon. Je suis désolé, je discute le réalisme de cet événement. Le cimetière qui ressuscite les gens, ok, mais le tunnel, moi, je trouve ça bizarre. Bon, là, le père de Timmy se fait tuer aussi, et après, il y a Timmy qui se fait tuer, mais de manière, encore une fois, relativement aux F, je trouve. Ouais, alors que ça aurait pu donner une bonne scène, te prendre une fusée éclairante dans l'œil, ça aurait pu donner quelque chose de sympa visuellement, mais même pas. Ouais. Parce que, encore une fois, je trouve que les enjeux sont pas suffisamment traités, à savoir le danger dans lequel est Norma, à savoir la culpabilité que ressent Judd, l'ancienne amitié avec Manny. Tout ça, c'est pas suffisamment bien intégré, c'est pas suffisamment incarné pour que ça marche, en fait. Ouais. Au final, encore une fois, on a beaucoup insisté sur les défauts, c'est pas absolument détestable, hein, ça se suit. Mais c'est pas un ennui mortel, mais c'est juste pas très intéressant, quoi. Oui, et puis il y a tellement mieux. Ouais. C'est commun, finalement. Voilà, c'est ça. Et commun inférieur, plutôt, quand même. Hein. Oui. On peut avoir du mieux en commun. Et donc la conclusion, c'est que Judd et Norma restent à Ludlow pour contenir le mal, ce qui peut expliquer qu'ils soient présents dans le cimetière original, mais pas leur comportement dans le cimetière original. On va dire que même en tant que préquel, ça réussit pas très bien, vu que ça se connecte pas bien. C'est ça. Au film principal, donc bon. C'est quand même très particulier, quoi. Bon, Duchovny arrive à faire le personnage un peu inquiétant, ça va. Oui, bon, c'est un bon acteur, Duchovny. Hein. Les acteurs un peu établis du casting s'en sortent pas mal. Henri Thomas, je trouve qu'il fait du bon boulot, alors qu'on avait été plus critique de ses autres performances. Et Pam Grier, comme on l'a dit, elle est toujours pro. Oui. Donc le casting, globalement, est pas honteux hein, dans celui-là. Voilà. Dans celui-là. Je signalerai juste, mais je pense que c'est plus un souci d'écriture que de jeu, que le frère et la sœur, donc Donna et Manny, sont vraiment, vraiment proches, et du coup, leur première scène ensemble, j'étais convaincu que c'était pas un frère et une sœur. Hein. Oui. Il a vraiment fallu qu'ils me le disent textuellement pour que je comprenne que c'était ça, leur lien. Oui, moi aussi, je pensais vraiment qu'ils étaient en couple, à la base. Ouais. Bon, on va faire une petite scène. Eh ben, allons-y. J'ai des tombeaux en abondance des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession. Très bien, nous avons choisi une scène qui prend place après que Donna ait été tuée par Timmy puis ressuscitée via le cimetière. En fait, c'est justement à ce moment-là qu'on va apprendre sa résurrection, puisqu'elle se rend à l'hôpital où se trouve Norma après avoir été mordue par le chien des Batterman, et elle commence à commettre un massacre dans l'hôpital. Donna, vous connaissez cette jeune femme ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais chercher un médecin. Attendez. Dépêchez-vous. Donna ? Donna, tu m'entends ? Viens. T'es glacée. Là, là, assieds-toi. T'es en état de choc. T'es en sécurité maintenant. Donna, qu'est-ce qui s'est passé ? Si gentille et si douce. Une jeune fille modèle, bien élevée, qui fait mine de vénérer Jésus. Tu caches bien ton jeu. Au fond de toi, tu détestes les pauvres autant que les riches. T'es supérieur au commun des mortels. Personne ne t'arrive à la cheville. Mais on est tous les mêmes une fois sous terre, Norma. Tout desséché. Non, non, non, non. Aidez-moi, monsieur, je vous en prie. Je vous en supplie, me laissez pas. Non. Aidez-moi, je vous en prie. Voilà, donc qu'as-tu à nous dire de cette scène ? C'est une scène malheureusement ratée, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est pourquoi la scène est ratée. En fait, les choses intéressantes dans la scène, c'est la tentative, qui sonne comme un coup d'épée dans l'eau, de faire enfin un truc un peu gore, un peu violent dans ce putain de film, parce que jusque-là, on s'ennuyait quand même pas mal. Et ça monte crescendo, c'est ça par contre qui est intéressant dans la scène. Il y a le moment où Donna arrive. Donc elle est en zombie, ça on le sait, le spectateur le sait, les autres personnages ne le savent pas. Même si bon, elle pue, et clairement, bon, bah, tu sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. À ce moment où Norma commence à la nettoyer, et en fait, en lui nettoyant le pied, il y a la peau qui s'arrache, tout simplement. L'effet, en numérique, ça se voit, et pas trop dégueulasse encore. Et ensuite, vraiment, s'en vient le moment de violence avec Norma qui fuit, qui tombe sur le cadavre... d'un infirmier qui a la tête retournée à 360 degrés. Et là, l'effet est pas trop mal encore. L'effet rend plutôt bien. Et vient ensuite le moment où Donna tranche la nuque d'une infirmière. Mais tout ça est clairement beaucoup trop sage. Et à mon avis, c'est clairement dû au fait que le film, même si il voudrait l'être, violent, j'entends, il doit se retenir parce que il faut quand même qu'on reste dans un film un peu tout public. Et ce qui est dommage, vu que le film, à mon avis, je pense, à la base, a été très vite prévu pour de la VOD, pourquoi s'être retenu ? Pourquoi se retenir quand on est sur de la VOD et que du coup on peut véritablement se lâcher ? Oh bah la VOD se retient très souvent, hein. Si tu vas vers les contenus Netflix, ils sont aussi très très souvent propres. Oui, mais c'est aussi le reproche que je fais aux productions Netflix. C'est pourquoi se retenir alors que le comité de censure n'est pas le même ? N'est pas aussi violent, justement, vu qu'il y a beaucoup plus de sécurité en termes de parental et tout ça sur de la VOD. C'est vraiment quelque chose que je ne comprendrai jamais. Alors que les films qui se lâchent, par contre, en général, se lâchent vraiment bien plus en VOD. Il y a ce truc un peu étrange, c'est là que la possession devient bizarre, parce que Donna donc, parle à Norma et commence à lui dire... Des choses un peu bizarres en qualifiant Norma de hautaine, en disant qu'elle est égocentrique et tout et tout. Oui. Or, bah, Jusqu'à présent, en fait, quand le démon parlait à travers les morts, c'était pour dire des vérités que les gens étaient, enfin, qu'ils n'étaient pas censés savoir, notamment avec la flic. Enfin, le personnage de Pam Grier, ça disait « ton père s'est suicidé dans la grange, etc. etc. » Oui. On sentait que c'était vrai. Que c'était dit pour blesser, évidemment, mais que c'était vrai. Tandis que là, bah, Norma nous a jamais paru particulièrement hautaine et égocentrique, donc pourquoi Donna l'attaque là-dessus ? Est-ce que c'est vrai, mais que juste le personnage n'a pas été suffisamment bien caractérisé avant pour qu'on s'en rende compte, ou est-ce que tout à coup le démon ment ? J'en sais rien. Bah, comme toi, les mêmes questions. Je pense que c'est plus parce que c'est très mal fait. Ouais. Ou, encore une fois, scène coupée. Ouais. Parce qu'on l'a pas dit, mais le film est court, hein. Il dure moins d'une heure trente. Oui, c'est déjà ça. Mais... oui, mais bon. Accessoirement, pourquoi attaquer Norma ? Parce que visiblement, c'est elle la cible, je suppose. Oui. À l'hôpital. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que Donna et Norma, on les a jamais vues ensemble, donc on sait pas si elles ont un lien ? Je me suis demandé si c'était pas de la jalousie de la part de Donna qui aurait été amoureuse de Judd ou un truc comme ça, mais c'est que des plans sur la comète, parce qu'il n'y a aucune scène commune entre ces personnages-là qui nous permettrait de le dire. Bah oui. Donc ça fait partie de tous les trucs pas clairs où on a l'impression qu'ils ont juste réfléchi au fait qu'ils voulaient mettre la scène, mais pas suffisamment à la manière de l'intégrer ensuite. Une scène intégrée un peu au forceps. Ouais. Du coup, c'est quand même une scène qui, à elle seule... vraiment représente le film. C'est-à-dire, oui. Toujours le cul entre deux chaises, à ne pas savoir quoi faire, à des fois trop en dire, des fois ne pas suffisamment en dire, et tout ça mène au fait que le spectateur est totalement perdu, quoi. Au bout d'un moment, tu sais mais plus voilà, où sans devenir, mais sans devenir franchement honteux, en se laissant suivre, un peu distraitement, mais en se laissant suivre. Oui, voilà, c'est ça. On le classe ? Bah, on est obligé, donc oui. Très bien, nous avons actuellement 94 films classés, parce que Cimetière, le roman, nous ne le classons pas, c'est déjà fait, et rappelons qu'il a toujours la deuxième place, qu'il a perdu la première place qu'il a eue pendant longtemps face à Sagdos. Ouais. Mais donc les films, aux 5 premières places, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Astrom, No Smoking de Noah Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Cette grosse merde infâme, d'autant en période de gastro, où bah, clairement le visionnage, je pense, vous en donne une foudroyante à l'instant. Je vais pas tenter dans le loot. Rappelons aussi, ça vous donnera une idée, que le cimetière de Widmeyer et Kolch, donc celui dont ce qu'on vient de voir est le préquel, est à la 35e place actuellement de notre classement. Yes. Bah déjà, c'est moins bien pour moi que ce cimetière, hein, parce que oui. Visuellement, c'est grosso modo les mêmes idées, les mêmes problèmes, mais du coup, il y a l'histoire qui est quand même pas mal plus Osef. Oui, on est d'accord. Et tout de même... visuellement, en termes de photos, ce remake de Cimetière est bien plus réussi aussi. Bien plus réussi, je dirais pas, mais peut-être un peu plus, ouais. T'as peut-être raison. Pour moi, ça ira quelque part en dessous de ça, des ça de Muschietti, pour moi. Ouais. Mais un peu dans cette zone-là, quand même. En dessous des ça. Le Carrie de David Carson, c'est quoi ? C'est le dernier, là ? C'est le remake ? Non, c'est le téléfilm. Ah. Donc potentiellement au-dessus de ce Carrie, par contre. Ouais. Ah, il est très comparable au Salem de Michael Salomon, hein, sur pas mal de points. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, en dessus ou en dessous ? Salem de Salomon, c'est interminable aussi, c'est ça le problème. Ouais. c'est interminable, mais il y a peut-être un chouïa plus d'enjeux, même s'ils sont mal gérés, ça reste les enjeux du roman. Oui. Allez, en dessous. Ouais, en dessous. Pour moi, en dessous, oui. Oui, non, mais en dessous, ça me va. Les deux m'auraient été, pour être honnête. Voilà, alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est la première et la seule fois, a priori, où on a enchaîné deux épisodes avec des films réalisés par des femmes. C'était deux réalisatrices. C'est vrai. C'est Beer pour Cimetière et Carrie Skoglund pour Children of the Corn 666. Donc voilà, c'est un peu ça, mais c'est dommage que ce soit deux films, un tout pourri et un pas terrible, quoi. Oui, voilà. On aurait aimé pouvoir en dire plus de bien. Ah oui. Très bien, je vais donc procéder au tirage au sort et je vais mélanger ces tatouages. Qui choisit le premier? Ah non, je crois que j'en avais fait tomber un, mais non, c'est bon. Donc tu me dis stop. Ok, stop. Alors, j'ai un papier. Alors, c'est un roman qu'on a lu, mais ça va être pas mal de visionnage puisqu'il s'agit de la nouvelle série Le Fléau. Ah, ok. De créé par Josh Boone et Benjamin Cavell. Voilà. Ok. Au moins, on n'a pas à relire ce roman interminable. Ouais, ça remonte. Hein. C'était le sixième épisode, Le Fléau. Hein. Faudra au moins relire un résumé parce que j'ai plus tout en tête. Mais ouais. Et moi, je vais choisir aussi. J'ai un papier. Ah bah, on aura un roman à lire, par contre. Ah. Puisque je viens de piocher Le Bazar de l'épouvante de Fraser C. Easton, adaptation donc de Bazar. Ok. Très bien, donc on attendait de connaître tout par rapport au tirage au sort pour savoir comment s'organiser. Donc, a priori, le programme, ça va être qu'on essaiera d'enregistrer Le Fléau dans ce mois-ci et pour vous le diffuser en décembre, donc en suivant le rythme normal de sortie des épisodes, puisqu'on n'aura pas à relire le roman. Par contre, Le Bazar de l'épouvante nécessitant de relire un gros roman, de la préparation et tout, on marquera une pause liée donc à ce qu'expliquait Chris tout à l'heure sur le fait qu'il va être papa. Voilà, c'est-à-dire que, bon, enregistrer, lire avec un petit nourrisson à la maison, ça peut être compliqué. Ouais. Visiblement, on peut pas lire ce genre de livre à des enfants. Bon, je sais pas pourquoi, ça comprend rien à cet âge-là. Mais on marquera une pause sur le reste du mois de décembre et donc Bazar sera notre épisode de rentrée. On vous tiendra au courant par la suite des dates. Oui, bon, probablement à la janvier, mi-janvier, hein, je pense. Oui, quelque chose comme ça, peut-être. Mais voilà, de toute façon, cette année, on a fait pas mal d'épisodes. Hein. On n'a pas fait vraiment de pause cette année. On n'a pas fait de pause cette année. Les seuls moments où il y a eu du décalage, c'était des soucis techniques ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu un ou deux épisodes de décalé, mais globalement, on a plutôt bien tenu le rythme. Oui, on s'est rattrapé du coup de l'année d'avant où on a eu du mal à reprendre, mais... Oui, effectivement, c'est ça. Ben voilà, vous pouvez en attendant nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, que ce soit sur Twitter ou sur Blue Sky. @chris-lostales pour Blue Sky de mon côté. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Twitch, The Lost Tales pour toi et Archiviste du Cinéma pour moi. On enregistre des fois en live une émission de ciné généraliste. Et vous pouvez retrouver aussi les épisodes en replay, en vidéo comme en audio. Je fais aussi des vidéos sur YouTube. Sur ta chaîne, pour la rediff. Ouais, pour c'est là qu'on retrouve les rediffs vidéo. Voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve dans deux semaines pour parler de The Stand. Et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.